La Sainte par Léo Larguet. C'était, bien entendu, avant la guerre. Nous avions soupé dans l'atelier du sculpteur Claude Prétexte, et par les hautes baies vitrées du toit, toutes les étoiles de cette nuit clignotaient, pâlissant au soleil où courait comme un frisson une onde laiteuse et vague, annonçant que, par-delà les gouffres nocturnes, le grand miracle de l'aube s'accomplissait. Le repas avait été parfait. Claude, lorsqu'il ne modelait pas dans l'argile des corps mythologiques, passait son temps à inventer des plats. Sur la nappe, qui était une immense dentelle, il n'y avait plus à cette heure avancée de la nuit que de beaux fruits écroulés, des fleurs dans des coupes de cristal et des verres vides. Suzanne Florine, qui s'était couronnée de roses, riait à ce que lui contait Claude Prétexte pour qui elle avait un caprice cette semaine. Elle venait de s'installer chez lui, ayant déserté l'hôtel que lui avait offert aux environs du bois. Une altesse russe ou un brésilien opulent comme un nabab est perpétuellement en voyage. Ayant allumé une cigarette, Suzanne Florine fit le tour de l'atelier, dansa pendant quelques instants, revint tremper ses lèvres dans une mousse de champagne et, surprenant des bribes d'une conversation sur la foi et les prières entre son ami et un jeune peintre, elle lança « Claude a raison, je crois aux prières, moi. » Elle alla s'allonger sur le divan et continua. « Lorsque j'étais petite fille, j'habitais avec ma mère du côté de Versailles, dans un pavillon appartenant à vieux maniaque, un de ces types qui ramassent des vieilleries, des bois vermoulus, des pots ébréchés et des tabatières. Ses héritiers raflèrent pour les vendre toutes les antiquailles, et il fut décidé que ma mère continuerait à garder le pavillon où ils venaient passer l'automne. Ils emportèrent tout, sauf une statue de pierre, une sainte. Ma mère l'a mise sur la commode de notre chambre et chaque soir, je faisais ma prière en chemise devant elle. Je l'aimais. Elle ne ressemblait point aux autres, et quand venait le mois de Marie, je ne manquais jamais de placer à ses pieds nus un verre plein de lilas. Je puis bien le dire à présent. Lorsque j'étais enfant, j'étais franchement laide, un vrai ponchon, vous savez, et je priais ma sainte de pierre afin de devenir belle. Ne riez pas là-bas. Je crois encore à l'influence de ma protectrice. Je suis sûr que cette transformation, je la lui dois. Ma mère mourut et moi, quand je partis, je ne pus m'embarrasser de cette statue. J'allais seulement la prier une dernière fois et l'embrasser avant de quitter pour jamais le pavillon, et vous voyez qu'elle ne m'a pas abandonné et que j'ai assez bien réussi. Mais dis donc si on allait la voir, car je l'ai achetée plus tard aux héritiers du vieillard. Il paraît même que c'est une très belle chose, puisqu'on me l'a vendue presque son pesant d'or. Venez chez moi, vous la verrez. Elle jeta un manteau de zibeline sur sa robe de soir, cacha ses cheveux de feu sous une dentelle de renne, et des fiacres qui nous voyaient nous emportèrent, selon son caprice, vers le bois et l'hôtel désert. Elle nous fit entrer tout de suite dans sa chambre. Des fourrures noires enjonchaient le tapis. Un lit large comme une aire semblait, au milieu de la pièce, une énorme corbeille ruisselant de soie, de batiste et de satin. Et sur une console trop dorée, nous vîmes, stupéfaits, que la sainte de l'admirable et naïve Suzanne était une statue en marbre grec de la Vénus Basileia. Aucun de nous, pourtant, n'eut envie de rire de sa méprise. Suzanne Florine, ayant cru que la divine immortelle était une vierge chrétienne, l'avait priée pendant toute son enfance, et la déesse païenne, Vénus aux yeux de violette, avait sans doute exaucé les vœux de la petite suppliante, comme jadis dans les jardins de Myrte. Elle exauçait les désirs des Grecs aux bras nus qui lui apportaient des colombes et des roses. Elle l'avait faite belle et l'avait mise dans sa suite. Pourquoi pas? C'était La Sainte par Léo Larguet.